l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. En 2007, aux éditions L'Harmattan, Jean Goury a publié un essai sous un titre ouvertement alarmiste, c'est l'opéra qu'on assassine. Aucun suspense sur l'auteur du crime, le coupable est tout trouvé, c'est le metteur en scène. Et comme Jean Goury considère que l'opéra est de toute façon un genre mort, l'assassinat est tout relatif. Mais, pour montrer qu'assassiner un genre mort n'est même pas très créatif, il montre que les metteurs en scène opèrent leur geste de désacralisation en suivant des règles à peu près sempiternelles qu'ils présentent ironiquement comme une liste de 10 commandements. 1. La musique, tu ignoreras. 2. Le livret, tu ne suivras pas. 3. L'époque, tu changeras. 4. Le crapoteux, tu privilégieras. 5. Le nu, tu montreras. 6. Au décor et au costume, tu t'en remettras. 7. De cohérence, tu ne t'embarrasseras pas. 8. À diriger les acteurs, tu ne te fatigueras pas. 9. Les idéologies totalitaires, tu évoqueras. 10. La confusion, tu entretiendras. Comme une marge importante du public de l'opéra qui n'hésite pas à huer les metteurs en scène trop modernistes à leur goût, Jean Goury prône le respect des intentions des compositeurs. Au lieu de prendre position pour ou contre les mises en scène d'opéra, Métaclassique propose d'en détailler les enjeux avec le musicologue Jean-Jacques Nattier, auteur d'un essai « Fidélité et infidélité dans les mises en scène d'opéra » publié dans la collection Musicologie des éditions Vrin. Extrait d'une version de la flûte enchantée emblématique dans l'histoire des mises en scène de l'opéra de Mozart, parce qu'il s'agit d'une version cinématographique avec le passage que nous venons d'entendre tôt dans l'œuvre, quand trois dames viennent et, grâce au gros plan, viennent caresser le visage de Tamino. Bergman fait un film, mais on n'oublie pas que c'est un opéra. Il serait difficile de dire qu'il est complètement fidèle à Mozart. On ne le juge pas tellement infidèle pour autant, parce que le changement de médium est dans le respect du genre. Jacques Nattier. Oui, absolument. Bergman avait réussi ce tour de force, je crois, de mettre le spectateur dans la position, le spectateur du film, de le mettre dans la position de le spectateur dans la salle d'opéra, mais petit à petit, la caméra pénétrait l'univers évoqué par l'œuvre. On en oubliait presque qu'on était à l'opéra, mais on ne lâchait jamais. Parfois, on reproche à la caméra de déplacer un peu l'activité du chanteur lyrique, de le tirer vers sa performance, non pas de chanteur, mais d'acteur. Sauf que cette tension, vous nous montrez qu'elle est bien antérieure à l'arrivée de la caméra. Déjà, en 1873, Wagner faisait un essai, acteur et chanteur, et voulait des artistes hybrides. Oui, et j'en ai tiré de l'expression allemande qu'il avait utilisée dans cet essai, j'en ai tiré une expression en français, qui est un néologisme dans notre langue, langue, le chant-acteur, c'est-à-dire que le véritable chanteur d'opéra qui reste conscient ou qui doit travailler comme un acteur, n'est-ce pas, c'est la fusion entre la dimension du chanteur et la dimension de l'acteur. Et même dans sa façon de recruter les artistes, par exemple, à propos d'une cantatrice, il écrivait, elle n'avait pas de voix du tout, mais elle savait si bien ménager sa respiration, oui, que finalement il en tirait, même dans sa respiration, un dramatisme qui lui convenait. C'est très étonnant que déjà à cette époque-là, Wagner ait émis cette opinion à partir... Parce que bien souvent, on va reprocher à des chanteuses d'opéra aujourd'hui d'être plus sélectionnées pour leur qualité dramatique et théâtrale que pour leur voix. Mais Wagner, qui pourtant était ô combien sensible à la qualité de la production de sa musique, donnait vraiment une priorité, pour ainsi dire, avec la dimension dramatique et théâtrale. Cette question de fidélité-infidélité est arrivée dès le 19e siècle, quand une première génération de Wagneriens a été plus Wagnerien que Wagner, au point d'y désobéir. Vous citez notamment Adolphe Appiat. Oui, auquel je consacre un chapitre, parce qu'il a écrit un livre historique qui s'appelle « La musique et la mise en scène ». Et dans lequel il avait posé tous les éléments de base pour, d'abord très tôt, hein, il était, au fond, il reprochait à Wagner une espèce de pas d'incohérence, mais d'être un compositeur d'avant-garde, mais d'être resté trop fidèle à l'esthétique naturaliste de son époque. Et lui-même, à partir de la musique, considérait que les opéras de Wagner devaient, en quelque sorte, leur représentation devait devenir plus abstraite. Lui-même a fait des projets de mise en scène d'opéras de Wagner, et il en a mis en scène deux ou trois, si ma mémoire est bonne. Et donc, en ce sens-là, il a été le premier défenseur d'une conception moderniste de la mise en scène. Parce qu'à la fois c'est un théoricien de la mise en scène, mais c'est aussi un réformateur, oui, et qui va presque rivaliser avec Wagner lui-même. Il va dire « Les drames de Wagner jouissent actuellement d'un succès extraordinaire, lequel, hélas, n'a pas grand-chose à voir avec les intentions du maître. » En fait, il veut presque s'attribuer ses succès. Oui, oui, absolument, parce qu'il a été le premier à théoriser et à manifester la nécessité de faire une adaptation au contexte contemporain des opéras de Wagner. On dispose d'une excellente édition critique de son livre « La musique et la mise en scène » et en particulier un florilège de toutes les critiques qui ont paru à la suite des productions de Appiat, les protestations et déjà tout l'ensemble de tout ce qui se dit sur la fidélité et l'infidélité dans les mises en scène d'opéra est déjà posé à partir de Appiat et des gens qui le critiquent. C'est toujours, je disais tout à l'heure, au nom de Wagner qu'il va essayer de dépasser Wagner. C'est là que l'infidélité revendique de la fidélité. Oui, qui est paradoxal d'une certaine, ben oui, d'une certaine façon. Mais je crois qu'un des points importants que j'analyse à un des moments du livre, c'est que par définition, bon là, d'une certaine façon, l'organisation sonore de l'œuvre, elle a davantage de stabilité à cause de la partition dans la musique occidentale. Elle a davantage de stabilité. Il y a aussi le texte du livret qu'on s'est amusé quelquefois à changer, mais qui est là, alors qu'une œuvre théâtrale, qu'elle soit parlée d'ailleurs ou qu'elle soit chantée, elle est nécessairement reconçue et réactualisée autrement à chaque représentation. Par conséquent, plus on quitte le moment où l'œuvre a été créée, plus on s'en éloigne, plus on va avoir des éléments nouveaux dans cette manière de représenter l'œuvre sur la scène. Alors fatalement, le metteur en scène à ce moment-là apparaît comme un recréateur de l'œuvre. Et dans le cas d'Adolphe Appiat, on peut dire qu'il ajoute la 3D quasiment sur le plateau, puisque là où les décors avant étaient sur les toiles. Des toiles et des tableaux, lui, mais pour une Valkyrie par exemple en 1925 au Stadttheater, des cubes. Oui, oui, absolument. Et ce que je me suis amusé à montrer, je ne suis pas du tout le premier à le dire, mais en tout cas, on le voit dans le livre parce que l'éditeur a eu la générosité, je dois dire, d'accepter énormément d'illustrations. Je me permets de signaler d'ailleurs au passage, parce que c'est tellement, on va revenir à Appia tout de suite, mais c'est tellement difficile de publier des ouvrages d'orientation musicologique aujourd'hui. Et quand il y a des illustrations, ça l'est encore plus. Vous aurez remarqué, peut-être d'ailleurs, le livre est un peu lourd, le poids du livre est apporté. Oui, oui. Pourquoi ? Parce qu'il a été publié sur un papier semi-glacé. Et vraiment, je suis très, très touché et reconnaissant à l'éditeur que d'avoir fait cet investissement d'un papier de très bonne qualité qui finalement est au bénéfice du lecteur pour suivre ma démonstration. Et ça, alors, va des mises en scène des années 1920 jusqu'au 21e siècle. Oui. Et le décor de Appia auquel vous faites allusion, avec des cubes, les proscéniums, etc., je le mets en rapport un petit peu plus loin avec les premières mises en scène de Wieland Wagner en 1951 au festival de Bayreuth. Donc le petit-fils de Richard. Wieland Wagner s'était inspiré de Appia. Alors ça, c'est une espèce de revanche de l'histoire, parce que Cosima Wagner... Elle était très opposée à Appia. Ah oui, oui, elle est en bonne gardienne du temple. Elle voulait absolument... Elle disait, Richard a tout dit, les didascalies qui sont données dans les livrets nous disent exactement comment les œuvres doivent être mises en scène, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Et elle ne voulait pas entendre parler de modernisation. Extrait de La Chevauchée des Valkyries. Jean-Jacques Nattier, on disait tout à l'heure que finalement Appia avait gagné dans la tradition de Bayreuth quasiment contre Cosima, grâce au petit-fils de Richard Wagner, Wieland Wagner, avec donc toujours cette tension qui traverse le débat de l'histoire de l'opéra entre drame et musique en définitive. Absolument. Mais sur quoi j'insiste, il y a une dimension théorique dans le bouquin qui, j'espère, pourra être bien saisie par le lecteur. En tout cas, j'ai essayé d'être aussi clair que possible. C'est que un opéra, c'est la réunion de plusieurs systèmes de signes, hein, pour simplifier. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y a la partition, il y a le livret et il y a aussi la mise en scène qui, elle, enfin, le fait de porter l'œuvre sur la scène, c'est autre chose que ce qui se trouve dans la partition et dans le livret. Voilà. Et alors, le point commun entre les infidèles et les fidèles, c'est que, quoi qu'il en soit, ils souffrent d'un biais de focalisation sur l'une des trois composantes. C'est ça. Alors, mon objectif dans ce livre, c'est de décortiquer ce qui constitue et construit ce que j'appelle le jugement de fidélité ou le jugement d'infidélité, c'est-à-dire à partir de quels éléments ces jugements sont portés. Et j'ai voulu analyser ça de près parce qu'il n'y a pas de critique, de mise en scène d'opéra aujourd'hui, c'est constant, on pourrait en faire la démonstration, que dans tous les comptes rendus d'opéra, il y a toujours quelque chose qui porte sur la fidélité ou l'infidélité du metteur en scène. Toujours, toujours, toujours, toujours. Sauf que, alors moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a frappé, c'est que les critiques portent un jugement sur l'ensemble de la production, en disant la production de M. X ou de M. Y, elle est infidèle, ou au contraire, elle est fidèle. Mais en réalité, quand on regarde le détail des argumentations, ces jugements de fidélité sont portés sur des éléments particuliers, à la fois de ce qui est montré sur la scène, mais aussi de ce à quoi le critique réfère dans l'ouvrage d'origine, c'est-à-dire dans la partition et dans le livret. Alors là où c'est compliqué, c'est que ce procès d'infidélité, il est toujours fait au nom d'une intention du compositeur, dont à peu près tout le monde s'accorde à dire qu'elle est insaisissable. Oui, ce qui n'est pas tout à fait mon avis. Ah, vous citez Jonathan Miller qui dit ça. Oui, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec lui alors. Non, là encore, c'est la question de l'intention et des intentions, hein, le singulier et le pluriel. Parce que ça, il y a cette expression qui est très, très utilisée dans la critique littéraire depuis fort longtemps, depuis après la guerre. C'est Barthes, d'ailleurs, en France, qui a dit que la liberté du lecteur devait se payer de la mort de l'auteur, hein, et qu'on ne pouvait pas, au fond, reconstituer ses intentions. Alors, c'est vrai que d'un point de vue global, elle est très difficile à cerner parce que cette intention au singulier, elle est faite d'une myriade d'éléments de signification qui sont présents dans l'œuvre. Mais on constate, quand on analyse le détail, que on peut effectivement mettre le doigt sur des choses qui sont bien dans l'œuvre. L'exemple que je donne, j'avais été assez scandalisé par une mise en scène de Tcherniakov au Festival d'Aix-en-Provence, dans lequel il avait carrément changé les rapports de parenté entre les personnages de Don Juan. Ben non, on peut pas prétendre que tel personnage est la fille de tel autre, etc., etc. Et il y a quand même des éléments dans le texte qui résistent. Des éléments soit bien sûr du décor, mais soit aussi de ce qui est dit. Et tout le problème de la vie, de la dynamique de la mise en scène d'opéra dans le XXe siècle, c'est de trouver cet équilibre entre le respect, tout de même dans un bon nombre de cas, d'éléments du texte, et ce que l'on attend du metteur en scène, c'est-à-dire d'approfondir la signification de l'œuvre en faisant apparaître des dimensions de l'œuvre auxquelles on ne s'attendait pas. D'ailleurs, ça, c'est une des choses qui est passionnante dans l'interprétation musicale de façon générale. Hein. C'est vrai que lorsque, je prends un exemple avec quelqu'un qui a souvent été décrié pour sa trahison dans l'interprétation, je pense à Glenn Gould. Alors Glenn Gould qui s'est amusé, on peut dire, qui était passionné par le contrepoint. Hein. Et ce que faisait Glenn Gould, c'est qu'il s'est amusé à faire l'intégrale des sonates de Mozart en les contrapontisant. Et alors, tout de même, à peu près tout le monde s'accorde pour dire que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Mais il l'avait fait aussi par provocation. Par contre, quand il fait apparaître une dimension contrapontique dans le deuxième thème du deuxième concerto de Brahms, eh bien oui, si on réanalyse l'œuvre, qu'on regarde en détail, on voit qu'il fait, il souligne, il fait apparaître quelque chose qui était là, mais dont les interprètes n'avaient pas tenu compte. Et c'est si vrai qu'après Glenn Gould, dans les autres enregistrements qui ont été faits après lui, eh bien, ils ont adopté sa lecture de l'œuvre, n'est-ce pas ? Jean-Jacques Nattier, vous nous faites un petit peu l'histoire presque conceptuelle de cette notion d'interprétation. Vous repartez de Paul Ricoeur pour parler de cette école du soupçon, c'est-à-dire Nietzsche, Marx, Freud, qui nous ont habitués à aller voir au-delà de ce qui est dit, quelque chose qui n'est pas dit et qui est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant dans ce qui nous est livré. Et notre rapport à l'opéra est complètement baigné de cette logique, vous dites herméneutique, enfin d'interprétation. Ça suppose donc d'aller voir plus loin que ce qui nous est donné, d'où l'envie d'aller un peu tripatouiller dans les filiations potentiellement secrètes qu'il peut y avoir entre les personnages. Par exemple, quand on fait l'outing entre Marc et Tristan par Peter Sellars, on met toujours un peu de psychanalyse pour saupoudrer de prétention à plus de vérité ces jeux d'interprétation. Oui, oui. Alors, d'une certaine façon, quand par exemple, je crois que je fais un petit chapitre pour montrer comment les interprétations sont construites à partir de grilles herméneutiques, grilles exégétiques. Et il y en a effectivement trois. Il y a la grille marxiste, il y a la grille psychanalytique, que vous venez de citer Freudienne, à l'instant, oui. Et puis, plus récemment, il y a la grille féministe. n'est-ce pas ? Alors, la grille marxiste, c'est celle qui a eu le haut du pavé après Bertolt Brecht, et en particulier avec les metteurs en scène d'opéra des pays de l'Est ou d'Allemagne de l'Est, mais ça s'est aussi répandu, bien sûr, dans le monde occidental. La grille psychanalytique, c'est lorsque on va considérer, par exemple, le rapport entre Tristan et le roi Marc. C'était quelque chose qui avait été à la base de la conception de la mise en scène de Tristan par Wieland Wagner, dans cette admirable et magnifique production qu'il avait faite, mais qui se justifiait, quand on regardait le détail de ce qu'il a fait sur la scène et dans les décors, par l'orientation psychanalytique. Et puis plus récemment, les mises en scène féministes, celles qui vont souligner la place qui est donnée dans les œuvres au rôle de la femme, quelqu'un comme Cathy Mitchell, par exemple. Alors, c'est un exemple que vous prenez, c'est-à-dire sa mise en scène d'Elsina de Handel en 2015 à Aix-en-Provence, où dès l'acte 1, scène 1, l'excès de sentiment de Morgana qui est dans le texte va être traduit sur le plateau dans un ligotage préparatoire à une séance de sadomasochisme. Oui, c'est trop absolument. Pour vous ? Est-ce que c'est trop ? Je crois que ça... Disons que ça donne de la force à ce qui est dans le texte, mais évidemment ça n'est pas à la lettre dans le texte, mais ça en montre un prolongement qui en tout cas vient enrichir la production. Et ce que je dis d'ailleurs aussi, c'est que les choses qui sont des nouveautés ou des inventions des metteurs en scène sont d'autant plus acceptables qu'elles sont réussies esthétiquement. Quand Cathy Mitchell a fait la mise en scène de cette Alcina de Handel, le chef d'orchestre Andrea Marcon reprochait à la metteuse en scène de ne pas s'appuyer prioritairement sur la dimension musicale de l'œuvre. Ça aussi, c'est une tension permanente. Constante. Vous racontez qu'en 1976, quand Patrice Chéreau monte la tétralogie, vous en parlez beaucoup, de Wagner avec Pierre Boulez, il se plaint que Boulez ralentisse tout. Boulez va venir avec son orchestre, il va tout ralentir pour obtenir l'exactitude de la moindre double croche. Il faut comprendre que ce n'est pas son souci. Oui, j'avais été témoin, puisque j'avais suivi à l'époque, en 1977, toutes les répétitions de la tétralogie, et j'avais été témoin de ce moment tout à fait étonnant où il y avait une répétition avec les Siegfried et Mime accompagnés au piano, et c'est, donc en dehors des conditions réelles de la représentation, et c'était extraordinaire. Parce que là, les acteurs se laissaient aller. Je dis, ah, Patrice, c'est formidable ce que vous avez fait là. Il dit, ah oui, mais bientôt, Pierre va venir. Et comme il veut que la moindre double croche soit respectée, il va me ralentir les choses. Et ça ne sera pas aussi bien que ce que vous avez vu. Si vous aviez vu une réputation avec le piano. C'est ça. Oui. C'est ça. Et alors, toujours dans cette tétralogie de 1976, vous reprenez une longue prise de position de Boulez sur la question de la fidélité. Précisément, ouais. Il s'est exprimé, lui, sur le sujet. On a l'impression que tout ce que l'interprète peut prendre en liberté, c'est de toute façon de l'infidélité à l'ouvrage original. Oui, oui, oui. Il assume. Alors, c'est un peu paradoxal chez lui, parce que c'est quand même quelqu'un qui exigeait une fidélité à l'exactitude de la partition qui est absolument proverbial, mais en même temps, qu'il s'agisse, il avait la même position pour les ballets, qu'il s'agisse de ballet ou d'opéra, il endossait a priori la liberté des metteurs en scène ou des chorégraphes. Ouais. Et il me racontait un jour qu'on est venu me demander si je pouvais mettre en chorégraphier une de mes œuvres instrumentales. Et j'ai répondu oui, allez-y, faites ce que vous voulez. Donc il reconnaissait cette dimension créatrice du metteur en scène ou du chorégraphe. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Jean-Jacques Nattier, dans la collaboration entre Patrice Chéreau et Pierre Boulez, il y a un autre grand moment qui rencontre directement votre question et que vous abordez donc dans Fidélité et Infidélité dans les mises en scène d'opéra et aux éditions Vrin, c'est Loulou. Dominique Jameux, par exemple, s'est scandalisé que l'on mette Loulou. Mais alors, c'est la scène du mariage en particulier qu'il avait, qui est un ajout de Chéreau total par rapport à ce qui est dans le texte. Ouais. Et alors, évidemment, ça a donné lieu à une scène, une présentation, une mise en scène absolument époustouflante que de voir tous les personnages participer et converger sur la scène pour ce mariage. Mais c'est vrai que c'est pas dans le texte. Mais vous dites que ce qu'on reproche à Chéreau, c'est même pas tant ses audaces que le fait d'avoir un peu défailli à une obligation qui lui serait revenue du fait qu'on n'avait pas mis en scène Loulou sur une grande scène de très longue date et que donc il devait avoir un devoir patrimonial auquel il a désobéi. Donc c'est plus par rapport à ce devoir patrimonial que par rapport à Berg finalement qu'il est traître. C'est un argument, c'est que au fond on n'est jamais tant intéressé par les innovations ou les audaces d'un metteur en scène qu'il s'agit d'œuvres, je dirais, que l'on connaît par cœur. Et l'exemple qui a été particulièrement frappant, c'était l'été dernier au festival, j'en parle brièvement parce que mon livre était déjà écrit, mais dans la mise en scène de La Tosca, qui a été présenté au Festival d'Aix, et il est quand même allé très loin, le metteur en scène, puisqu'il a mis sur la scène deux Tosca. C'est-à-dire la Tosca, il s'est appuyé sur le fait que Tosca était une chanteuse d'opéra dans le livre, et il a transposé toute l'action dans le studio, l'habitation d'une cantatrice sur laquelle on fait un reportage télévisé, n'est-ce pas? Et alors, cantatrice, c'est elle qui enseigne à la Tosca de l'œuvre comment elle doit chanter. Eh bien, évidemment, là, il y a un parti pris critique tout à fait étonnant où c'est l'institution opéra, l'institution de la diva, etc., qui est en quelque sorte critiquée au deuxième degré. Mais il faut dire que c'était tellement bien fait, que ça marche, et on peut d'autant plus l'accepter que cette œuvre, on la connaît par cœur. Mais il y a des mises en scène qui semblent se protéger des critiques, précisément en faisant de la mise en abîme. On peut aussi citer Robert Carsen ou Men Chernyakov, d'une certaine façon. Oui, oui. Oui, c'est une des... Si la mise en abîme est très, très claire et qu'elle est assumée dès le début, par exemple, Chernyakov l'a très, très bien fait. J'ai dit beaucoup de mal de son Don Juan tout à l'heure, mais il l'a très, très bien fait dans sa Carmen. Où les personnages sont présentés comme jouant, performant un jeu de rôle organisé par un psychologue. Et donc, quand on met le public du côté du méta, ça marche. Voilà, c'est ça. C'est très bien dit. Vous dites cependant que, effectivement, les jugements de fidélité ou d'infidélité sont quand même des jugements esthétiques et que... Qui contiennent une dimension esthétique. C'est ça. Aussi objectif que l'on veuille bien être, en fait, il y a quelque chose de notre goût pour l'ouvrage de départ qui joue pour beaucoup. Absolument. Vous citez par exemple le critique Christian Merlin qui, à propos d'un Don Carlos à Vienne en 2001, mis en scène par Peter Konvinsky, s'amuse comme le public de voir Posa apporter une pizza à Philippe et Elisabeth. Il s'en amuse en disant que Don Carlos n'est pas du plus grand Verdi. Oui. Alors c'est ça. Je crois que si, par exemple, une œuvre comme l'Italienne à Alger de Rossini, l'œuvre elle-même est tellement abracadabrante, hein, l'histoire, je crois que dans mon livre je la compare à Elsa Popine, elle est tellement abracadabrante qu'on se fout éperdument que le metteur en scène prenne des libertés parfois très grandes avec le contenu de cette opéra. Ouais, au contraire, on s'en amuse parce que disons qu'à la limite ça fait mieux passer l'œuvre que si on était fidèle à la lettre de ce que Rossini avait mis en musique. Hein. Et alors, quand on reprend les 10 commandements de Jean Goury, il y en a quelques-uns qu'on a finalement déjà traversés, la musique tu ignoreras, le livret tu ne suivras pas. Le cinquième commandement, c'est le nu tu montreras. Ah, oui. Alors, la question de la nudité liée à la fidélité, il y a un autre auteur qui se vexe de ces présences un peu récurrentes de nu, c'est Dominique Cato, qui est un auteur que vous citez souvent, qui a fait en 2012 un livre qui s'appelle « Petite philosophie des mises en scène d'opéra ». Et lui, par exemple... Et choqué de voir Olivier Py engager un ardeur pour montrer un satyre en érection dans la bacchanale de Tannhauser au Grand Théâtre de Genève en 2005. Vous dites qu'il aurait fallu même aller encore plus loin, prendre toute une troupe d'acteurs X. Oui, parce que ce que Py avait fait, c'était de prendre au pied de la lettre ce que dit Wagner dans les Didascalies de cette première scène de Tannhauser, et où Wagner dit que les petits faunes, là, sont absolument surexcités. Alors, il prend le mot surexcité au pied de la lettre et il est allé chercher un acteur porno tout en prévenant le public de ce qu'il verrait sur la scène. Enfin, moi je dis qu'il ne l'a pas fait assez, moi je ne l'ai pas vu cette production, mais pourquoi pas dans ce cas-là ne pas mettre 10 acteurs porno sur la scène. Vous dites, c'est une partouze dans l'ouvrage, la fidélité commanderait. Je dirais que Py a été très très fidèle à Wagner dans ce cas-là, il aurait pu aller plus loin. Alors Dominique Cato, lui, il va carrément sortir le code pénal français, l'article 313.1 et même l'article L213.1 du code de la consommation pour inciter les spectateurs floués à poursuivre les falsificateurs d'opéra. Oui, parce que il y a cette idée que, alors chez lui, j'insiste pour dire qu'il y a des vérités locales dans les œuvres, lui, il a cette position de dire qu'on doit respecter de manière absolue les intentions du compositeur, du créateur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sortent de spectacles d'opéra aujourd'hui, ils sont absolument scandalisés. Et même certains qui disent « Bon, c'est vrai, on devrait se faire rembourser, c'est pas du tout l'œuvre, ce qu'on nous montre, c'est pas du tout l'œuvre qui nous avait été promise, etc. etc. » Mais moi, je crois que s'il y a un ou deux cas où il y a des ayants droit, des créateurs qui ont fait des procès. Mais je voudrais bien voir des spectateurs d'aujourd'hui porter le problème en justice et qu'on démontre cette falsification des intentions devant un tribunal. Alors là, ce serait un grand moment, ça. Alors ce serait un grand moment, peut-être presque aussi passionnant que tous les débats qu'on peut avoir autour de la reconstitution. Puisque là, on a affaire à des metteurs en scène qui vont essayer d'aller vers une fidélité qui s'avère en définitive impossible. Puisque les fondements des reconstitutions les plus informées sont obligés d'être arbitraires dans le choix qu'elles font de leurs sources. Vous citez l'exemple de Bronislav Horowitz qui prend, lui, des sources du début du XVIIe siècle et il voit qu'à 7 ans d'écart, on a deux compositeurs italiens qui en arrivent à des positions antagonistes. Giulio Caccini qui, en 1601, demande au chanteur de ne pas faire de mouvement avec le cornet, avec les figures. Là où, 7 ans plus tard, c'est rien, en 1608, dans la préface de son Daphné, Marco da Gagliano demande à l'acteur de faire attention à ce que chaque geste et chaque pas correspondent au mouvement d'orchestre et de chant. Eh oui, ce qui prouve que cette problématique fidélité-infidélité, elle est inhérente au genre de l'opéra lui-même, dans la mesure où il s'agit de mettre sur scène quelque chose qui, en elle-même, n'est pas le livret et n'est pas la partition. C'est quelque chose qui a une réalité en soi avec les gestes des acteurs, les mouvements, les décors, etc., etc. C'est un spectacle. Et c'est un spectacle. Voilà. Donc, l'idée que c'est une recréation, je dirais presque, dès la Première mondiale. C'est une recréation par rapport à la trace que le compositeur et le librettiste ont laissée. Nicolas Sardoncourt a changé d'avis au cours de sa carrière. Oui, absolument. Il a été le défenseur dans ses premiers essais d'une authenticité, ce qu'on a appelé l'authenticité dans l'interprétation de la musique ancienne. Et puis il s'est rendu compte, il était musicologue lui-même, en lisant énormément, il y a un deuxième volume de lui avec ses écrits, dans lequel il se dit, finalement, c'est pas possible. Il en est arrivé à une conception beaucoup plus souple de la liberté, de l'inventivité de l'interprète. Oui. La musicologue Isabelle Moindreau parle de recomposition créatrice. Oui. C'est une formulation qui vous sied. Oui, que j'aime beaucoup, oui. J'aime beaucoup une recomposition parce que c'est une recréation, mais elle est créatrice parce qu'il y a forcément des éléments nouveaux qui sont apportés, qui approfondissent l'œuvre. C'est toujours cette question de l'équilibre, de la tension entre l'invention qui permet d'approfondir, mais qui correspond quand même avec ce qui est dans le texte, et puis ce qui le lâche complètement. Parce que le paradoxe quand il s'agit d'opéra baroque, c'est qu'on va aboutir à des productions où on va être beaucoup plus tolérant des anachronismes qui vont être sur le plateau que ceux dans la fosse où on va jouer sur instruments d'époque. Oui, ça c'est très curieux, parce qu'il y a eu ce mouvement d'authenticité de l'interprétation avec les instruments effectivement de l'époque, et puis au contraire sur la... je crois que c'est William Christie qui au fond admettait fort bien l'inventivité des metteurs en scène alors que lui-même a été un des chantres de cette interprétation musicale authentique. Ça prouve bien qu'un opéra est fait au minimum de deux objets de caractère sémiologique différents, à savoir la partition musicale et son texte et la mise en scène. Et donc on peut avoir des strates de purisme très éloignées qui peuvent cohabiter. Absolument. Ouais, absolument. Vous citez donc l'exemple des Indes galantes avec un metteur en scène, Andrei Serban, qui n'était pas du tout dans des préoccupations de reconstitution comme pouvait l'être William Christie. On peut peut-être boucler avec le cas de ces ouvrages que l'on rabote. Alors, l'exemple de Don Giovanni est extraordinaire. Par exemple, on a pu retirer le sextuor final. Oui. Oui, mais c'est, je crois que je cite les analyses d'une musicologue qui s'appelle Marie-Hélène Benoît-Otis, qui est une de mes collègues à Montréal. Quand on plonge dans dans l'étude de la partition et les documents sur la première de l'œuvre, on s'aperçoit que du vivant de Mozart lui-même, enfin, il n'y avait pas une stabilité absolue sur la façon de concevoir le final de Don Juan. Oui. Oui, absolument. Mais c'est parce que si on réagit violemment à ça, c'est parce que le spectateur, qui n'est pas nécessairement un musicologue, et on ne lui demande surtout pas de l'être, c'est quelqu'un qui, au fond, le jugement d'infidélité, ça j'insiste beaucoup, va se construire à partir de l'image que l'on se fait de ce qu'est l'œuvre. Et dans certains cas, comme dans celui que vous citez, dans certains cas, on s'aperçoit qu'on est loin de le savoir. Donc c'est à Montréal, en 2016, que donc David Lefkovitch a fait ce changement. Mais alors, ce qu'on dit, c'est que si on retire le sextuor final, d'une certaine façon, on va changer la sentence morale que l'on porte Absolument. Sur le personnage de Don Juan. Or, cette sentence morale va être un des éléments d'arbitrage de fidélité ou infidélité Absolument. En fonction de, philosophiquement, comment on est attaché à Don Giovanni. Alors là, on a une tension parce que... il y a ceux qui en font un Don Juan libertin quasi idéalisé, qui ne seraient pas vexés de le voir transposé à Woodstock, alors que d'autres vont s'agacer de le voir transformé en prédateur mortifère à la Défense dans la mise en scène de Michael Haneke. Oui, parce que alors là, on est ramené à quelque chose, à un problème qui existe indépendamment de la mise en scène, c'est-à-dire quelle signification on donne à l'œuvre. Et donc là, c'est poétique, vous dites. Oui. Olivier Py... va dire, je ne me mets jamais dans la position de l'exégète, je ne fais pas de relecture, encore moins de réécriture. Oui, mais c'est pas vrai. Et alors c'est pas vrai, voilà, c'est ça. Il fait de la poétique, mais il ne l'avoue pas. Non, absolument. Et c'est ça, étant donné que j'ai beaucoup lu les propos des metteurs en scène dont je parle dans ce bouquin, je m'autorise à montrer que les positions explicites qui sont les leurs, à mon avis, dans certains cas, et Dieu sait si Olivier Py est un grand metteur en scène, mais ne tiennent pas la route du point de vue théorique. Mais alors, cette perspective d'une vérité qui serait peut-être une vérité transcendantale de l'œuvre, alors que traduirait la poétique, elle ne vous suffit pas à être d'accord avec Philippe Bossan qui dit que l'œuvre est une et indivisible? Non, non, non, parce qu'elle ne l'est pas, elle ne l'est jamais. Bah, du point de vue transcendantal, si. Oui. Il y a un quelque part caché où elle est une et indivisible? C'est de ça dont on se réclame quand on fait une mise en scène poétique. C'est de ça dont on se réclame, mais on s'aperçoit quand on regarde dans les détails que l'on n'arrive jamais, je crois, à avoir... C'est le problème de la globalité du jugement de fidélité, n'est-ce pas ? Je crois que, en réalité, ce jugement global ou transcendant, comme vous venez de le dire, est toujours fait à partir d'éléments particuliers qui sont juxtaposés, superposés, etc. C'est pour ça que la formule de Bossan, je ne pense pas qu'elle coïncide avec la réalité. Il y a un point de tension dans ce que vous dites qui me heurte un peu, parce que vous semblez quand même nous expliquer que tout ce qui justifie tous les écarts de pseudo-fidélité à l'ouvrage, puisque la fidélité n'est pas complètement possible, sont justifiés par cette poétique, et là-dessus je vous suis, mais vous allez jusqu'à dire qu'il faudrait que le spectateur puisse maîtriser toutes les références mobilisées par le metteur en scène pour pouvoir accoucher de cette poétique. Et Absolument. Là-dessus je ne suis pas complètement sûr, parce Absolument. Que... Si on admet, comme vous l'admettez, que le spectateur est aussi une instance interprétative... Ah bah oui, fondamentalement. Alors qu'importe s'il n'a pas les mêmes références que le metteur en scène. Oui, mais c'est par rapport à ce qu'il croit que l'œuvre est qu'il porte ce jugement de fidélité ou d'infidélité. Ah oui, donc c'est un détour. C'est tout le temps ce... et j'y reviens en insistant beaucoup dans la conclusion du livre. C'est par rapport à ce que l'on croit que l'œuvre est qu'on porte le jugement. Le mot, on ne l'a pas encore prononcé ensemble ici, il est important, c'est que le travail du metteur en scène est une construction. Le travail et le processus mental du spectateur qui porte ses jugements de fidélité ou d'infidélité est aussi une construction. C'est-à-dire on a trois instances. On a les constructions du compositeur et du librettiste, les constructions du metteur en scène et les constructions mentales du spectateur. Puis on pourrait en ajouter d'autres. Hein. À un moment donné, je cite les propos de l'interprète de Fricka dans la tétralogie de Chéreau où elle dit bah, « moi j'ai ma conception de l'œuvre et puis une fois que je suis seul sur la scène, que le metteur en scène n'est plus à côté de moi, je fais ce que je veux ». Donc oui, ça, il avait été d'ailleurs ulcéré de ses propos, Chéreau. Ah oui. Tout à fait. Oui, mais... parce que lui, à son tour, est une puissance. Oui, c'est ça. Mais ah, alors, oui. Parce que finalement, cette vérité absolue de l'œuvre, pour autant que tout le monde la reconnaît illusoire, elle est quand même un pôle dans le débat. Ah, tout le temps. Oui. Tout le temps, mais elle est, ce que je dis, c'est qu'elle est une construction. Mmh. Hein? Voilà. Et c'est pour ça que vous cherchez, je vous cite, une position intermédiaire entre oui. ce qui serait une illusoire vérité absolue des œuvres et leur interprétation artistique fondée sur une herméneutique incontrôlée. Oui. Oui, ça, c'est l'excès, n'est-ce pas ? C'est que les gens qui font de n'importe quoi. Alors, exemple, on n'en a pas parlé, mais je tenais beaucoup à faire cette analyse. La mise en scène du Festival d'Aix-en-Provence de l'enlèvement au Sérail, qui a failli être interdite par Bernard Foucault. Hein. Oui, peut-être que vous pouvez nous rappeler les coordonnées du débat de cette élection. Oui, tout à fait. C'est que le metteur en scène a pris le parti a fait que les musulmans qui sont dans l'œuvre étaient assimilés aux combattants de Daesh. Et dans la toute première mise en scène pendant les répétitions, il y avait un drapeau noir sur la scène. Et, bon, à la fin de l'œuvre, Foucault a accepté qu'on conserve l'idée des deux occidentaux qui sont trucidés. Mais je veux dire, c'était tellement outrancier. Alors en plus, ça venait 3 ou 4 mois après des meurtres qui avaient été commis en France. Foucault a été sur le point de faire la représentation sans la mise en scène, hein, avec en version de concert. Mais ça n'aurait pas été. Je crois qu'effectivement, ça n'aurait pas été supportable. Il ne l'a pas fait parce qu'il y avait aussi une dimension juridique, c'est que le metteur en scène aurait pu se retourner contre la direction du festival en disant j'ai un contrat, j'ai été signé, je suis metteur en scène, je fais ce que je veux. Et donc etc. le contrat a engagé le festival à ce que la production se fasse. Oui. Il y a la question de la trivialisation, peut-être pour finir, puisque il y a deux gestes qui m'intéressent de pointer. C'est par exemple Christophe Martaler dans un Tristan et Isolde à Bayreuth en 2005, ah oui. Qui fait quasiment du roman photo et qui, ce faisant, démythifie l'ouvrage. Donc là, il y a une désobéissance qui est précisément au niveau poétique. Oui, qui est volontaire. C'est-à-dire qu'il y a des metteurs en scène qui veulent désacraliser les œuvres. Alors évidemment, c'est une autre catégorie d'infidélité. Absolument, ouais. Moi qui suis un admirateur, comme beaucoup de gens d'ailleurs, de la grandeur de Tristan et Isolde en tant que œuvre, qui je crois va traverser l'histoire de l'humanité. Il y a profanation. Oui, on est proche de la profanation. Mais par ailleurs, je ne suis pas, pour prendre un contre-exemple, je ne suis pas un fanatique absolu de la musique de Verdi. Ce qui fait que lorsque c'est, j'oublie son nom, le metteur en scène que je cite assez souvent, qui a montré que la Donna est mobile et chantée non pas par l'acteur sur la scène, mais il appuie sur un jukebox c'est Miller, il avait voulu dans cette mise en scène souligner le côté tube de la Donna est mobile. Alors ça a introduit une dimension critique par rapport à ce que sont les opéras de Verdi, qui, moi, personnellement, ne me choque pas. J'aime beaucoup les opéras de Verdi de la fin de sa production, mais peut-être pas tout à fait, autant ceux comme La Traviata ou Trouvère, etc., du milieu de sa production. Là encore, on est ramené dans toute cette problématique à l'opinion esthétique qui bien souvent viennent sous-tendre les jugements, l'appréciation des jugements de fidélité ou d'infidélité. Mais alors, il y a un truc un peu particulier, c'est que précisément, il y a dans ce que vous dites là, un présupposé, c'est que parce que Tristan et Isolde est une œuvre sacrée pour vous, alors il ne faut pas y toucher en termes de démythification, enfin, il ne faut pas y toucher en la désacralisant. Là où quand il s'agit de musique plus légère, c'est peut-être moins grave. Si c'est du Offenbach, on peut trivialiser. Si c'est Candide c'est de Bernstein, on peut remplacer la barcarolle des rois dans la mise en scène de Robert Carsen au Châtelet en 2006, où on met... Chirac, Poutine, Tony Blair, Bush, en masque sur les chanteurs. Oui, oui, ben, c'est-à-dire, c'est ça, effectivement, qu'il y a... mais je m'inclus moi-même dans la critique, n'est-ce pas ? En disant que il y a des... Je veux dire, il y a dans la mise en scène de Wieland Wagner de Tristan, il y avait des choses qui étaient complètement en dehors de ce qui était à la lettre dans l'opéra de Tristan, mais la force des images que nous donnait Wieland Wagner, finalement, était au service de la grandeur de cette œuvre. Hein. Moi, j'ai un souvenir inoubliable, évidemment, j'ai vu ça quand j'avais 16 ans. Il y en a des photos dans mon livre. J'ai un souvenir inoubliable de Birgit Nilsson qui ne meurt pas. La mort d'Isolde chez Wieland Wagner, elle était debout devant le cadavre de Tristan avec les bras levés, n'est-ce pas ? Et alors ça a été repris d'ailleurs par beaucoup de metteurs en scène après Wieland Wagner. Il avait osé Elle chante sa mort en y survivant. C'est-à-dire que dans le texte de Wagner, Wagner dit « elle mord comme transfigurée ». C'est le texte exact de Wagner. Et alors, elle mord comme transfigurée. Ce que Wieland Wagner avait mis en scène, c'était l'idée de transfiguration. Il avait visuellement montré ce à quoi peut ressembler une transfiguration. Alors que si vous êtes allongé comme un veau là, sur le cadavre de Tristan, ben, la transfiguration, effectivement, on repassera. Hein. Mais, et ce qui est amusant dans ce cas-là, j'ai fait quelques recherches qu'on retrouve dans mon bouquin, c'est que cette image de... Isolde, debout devant le cadavre de Tristan, il semblerait que qu'elle était aussi présente dans la première mise en scène mondiale de Tristan au Festival de Munich. Et pour boucler la boucle avec le livre de Jean Goury, c'est l'opéra qu'on assassine. Il nous signale qu'en 1834, il y a une représentation de Don Giovanni de Mozart où une cohorte de morts squelettes se range en cercle en psalmodiant aux oreilles de Don Juan le Dies Irae du Requiem de Mozart. C'est-à-dire qu'on a réinjecté un autre Mozart dans le Mozart. Oui, mais ça se fait de plus en plus souvent maintenant. Ouais. Mais ça, c'est en 1834. Ça, c'est une preuve encore que cette liberté que s'octroient les metteurs en scène n'est pas une chose entièrement nouvelle, qui à mon avis est le produit de la nature même de ce qu'est une mise en scène d'opéra par rapport à la partition et par rapport au livret. Et donc monter une œuvre, c'est aussi la remonter. La remonter, la recréer, absolument. C'est ce qui la rend fascinante. Merci beaucoup Jean-Jacques Nattier. Merci de m'avoir invité.